Jacques chapitre 3. Mes frères, ne soyez point plusieurs maîtres, sachant que nous en recevrons une plus grande condamnation. Car nous péchons tous en plusieurs choses, si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, et il peut même tenir en bride tout le corps. Voilà, nous mettons aux chevaux des morts dans leur bouche, afin qu'ils nous obéissent, et nous menons ça et là tout le corps. Voilà aussi les navires, quoiqu'ils soient si grands, et qu'ils soient agités par la tempête, ils sont menés par tout ça et là avec un petit gouvernail, selon qu'il plaît à celui qui les gouverne. Il en est ainsi de la langue, c'est un petit membre, et cependant elle peut se vanter de grandes choses. Voilà aussi un petit feu, combien de bois allume-t-il? La langue aussi est un feu, et un monde d'iniquité, car la langue est-elle entre nos membres, qu'elle souille tout le corps, et enflamme tout le monde qui a été créé, étant elle-même enflammée du feu de la géhenne. Car toute espèce de bête sauvage, d'oiseau, de reptile, et de poisson de la mer, se dompte, et a été domptée par la nature humaine. Mais nul homme ne peut dompter la langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons notre Dieu et Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. D'une même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas que ces choses aillent ainsi. Une fontaine jette-t-elle par une même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De même aucune fontaine ne peut jeter de l'eau salée et de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent, qu'il fasse voir ses actions par une bonne conduite, avec douceur et sagesse? Mais si vous avez une envie amère, et de l'irritation dans vos cœurs, ne vous glorifiez point, et ne mentez point en déshonorant la vérité de l'Évangile. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Car où il y a de l'envie et de l'irritation, là est le désordre, et toutes sortes de mal. Mais la sagesse qui vient d'en haut, est premièrement pure, et ensuite pacifique, modérée, traitable, pleine de miséricorde, et de bons fruits, ne faisant point beaucoup de difficultés, et sans hypocrisie. Or le fruit de la justice se sème dans la paix, pour ceux qui s'adonnent à la paix.